connaissance à la cinémathèque. Il jouait ce soir-là, quelle chance, un Chaplin gigantesque qui racontait l'histoire d'un gosse dans une ville. Toi, tu as trouvé que dans le noir, j'avais son allure fragile. Et depuis ce temps-là, pour toi je suis le quid qui te suit pas à pas comme ton ombre dans les rues. Oh, je porte une casquette, un pull-over trop grand. Et quand parfois je fais des pirouettes, tu joues au flic méchant. Oh, est-ce une poursuite qui me mène en prison? Mais tu me délivres tout de suite d'un sourire qui en dit long. Oh, et tu m'ouvres les bras, puisque je suis ton guide qui te suit pas à pas comme ton ombre dans les rues. On marche dans la ville sans regarder les gens, si triste de face et de profil, tu sens mais inquiétant. Oh, et pareil à ces mimes du cinéma d'avant, comme ils le font à la fin des films, on s'éloigne en sautillant. Oui, on s'éloigne en sautillant.